plus feu retient la nuit. Prêt à basculer le sommeil. Ceux qui passent, ceux qui fuient. Je suis de la race de ceux qui s'éteignent. Leurs âmes vont du coin des pillards. Pirates ont brûlé l'horizon. Meute hyène sur le boulevard. Pressé d'en goûter la pénombre. Retiens les visages. Prends le soir avec ta plume. Ceux qui perdent, ceux qui s'ennuient. Je suis de la race de ceux qui circulent. Le soir chasse le vent. Brouille les pistes pour que les silhouettes se taisent et que tu passes devant. Coupe les feux, retiens la nuit. Prêt à basculer le sommeil. Ceux qui passent, ceux qui fuient. Chute de la race de ceux qui s'éteignent. Dans la nuit, pas de refrain dans le voyage. Lumière heurtée, lumière amie, calme olympien dans les bagages. On est parti, on s'est perdu, cœur sur le parvis, loin de la vertu. Décide des heures que t'y passeras, mais il est heures que t'y passeras. Visage ou vérité, sens-tu la nuit blottie sur tes côtes. Chante pour les oublier, miroir de foule au-dessus des autres. Qu'avons-nous mérité? Qu'avons-nous tué dans les battements? Juste un peu hésité, juste un peu seul, rien de marquant. On rêve à l'envers, on respire loin des rayons. On rêve à l'envers, on respire loin des rayons. Je suis devant des silhouettes qui jouent et aux hommes t'es vite un peu défait, vite sur la touche. T'as visé les autres pour leur coudre la bouche. Ouais, pousser dans le vide, on cède sur les genoux. Peu s'élanceront, s'approcheront du porté. Pris dans l'époque, enfermé contre ta jupe. Pour t'assurer d'un retour, cœur sur la piste, éviter les sales tours. Garder nos âmes, la plume sur le parcours. Vis comme tu pouvais, fier comme un lion. Ouais, pris ce que tu voulais, t'es seul contre un monde. Et puisque tu prenais tout contre toi, tu sais ce que tu valais. Oublie ce qu'on te doit, c'est mur contre pavé, homme contre loi. Je suis allumé ailleurs et c'est juste autre part, ouais. Marche ou crève pour la plupart des siens, pas la même loi depuis le départ. départ. On ne sourit pas sur commande. On ne regarde même plus la panse que l'on a. Ne demande même pas ni pourquoi ni comment. Ici depuis le départ. Énervé depuis le départ. Codé depuis le départ. Tu veux porter le ciel, vas-y porte-le. On parle aux ombres et celles qui nous portent, elles se portent mieux. Tu veux planter le ciel, vas-y plante-le. N'attends pas que ces étoiles ripostent. Tu veux porter le ciel, vas-y porte-le. On parle aux ombres et celles qui nous portent, elles se portent mieux. Tu veux planter le ciel, vas-y plante-le. N'attends pas que ces étoiles ripostent. Sur le toit de la ville, la nuit postée comme au paradis. Plus m'ancrer né au kérosène, né au air city, le feu sous les parapluies. J'suis de ceux qu'on n'entend pas vraiment, mise à feu continue d'arriver. J'découpe les rimes comme auparavant, j'fais pas dans la posture et tarifé. J'écoute le vent, j'écoute pas la relève, redoute son père, mon grand j'ai les crocs. J'arrive d'en bas pour les prendre à revers, déchaîne les enfers en 3.0. On peut tout flairer vu d'en haut, t'enflamme pas et oh c'est pas la peine. Pareil que les types veulent pas la guerre, mais lève des canons sous les bras zéro. Redescendez de vos tours, crevez l'écran sur le périmètre. 2-0 pour le retour, j'ai marqué les temps, ouais les carrés nets. Les carrés pesés, c'est la vie qu'on demande. Perdu, blessé, t'as remisé quand même. J'attends que dalle, j'suis parti de mon banc. Seul dans Gotham pour te plier sans thème. Baissez l'écran, j'suis devant les murs. Levez la main pour nous rallier. Plume dans le vitriol, rime dans le parier pour accélérer l'allure. On décolle, on est dans le bolide, on est comme on est. Pied dans le vide, on a viré la team. On repart agile dans la nuit comme on sait. Ouais, comme on sait. Toi de la ville, la nuit postée comme au paradis. Plus m'ancré né au kérosène, né au air city, le feu sous les parapluies. Répliquant traqué des paratifs, chanter des compres et des paramines. Ici la pluie ne se rend jamais, là où Travis Bickle dépose Anakin. J'suis là où t'aimes et t'es pas rapide. J'mets dans le vent quelques versets là. Puis dans l'abîme on fait tout solo, pas de sponsor ou Théa qui te paratine. Si t'es fantôme qui nourrit les peines, couleur tombée du ciel un peu vite. V'là la rentrée qui surgit des veines. Fait de rancœur et trucs impossibles. File dans les couloirs, on improvise. Je remets du sang sur le bleu des mots. 36 puis j'avais rouillé nos cibles. 30 dans l'époque et les yeux d'ego. Je fais pas le jeu des réseaux. Je fais pas le jeu d'occuper les places. Je fais de mon mieux pour rester. C'est la classe qu'il me faut harasser depuis l'espace. Posé sur le toit du monde, on a tout ce qu'il faut, ne t'inquiète pas. File sur la route sans me retourner. Foule dans le dos qui ne s'aime pas. J'écoute le vent, j'écoute pas la relève. Redoute son père, mon grand j'ai les pros. J'arrive d'en bas pour les prendre à revers. Déchaîne les enfers en 3.0. On le fait comme on sait, ouais. Ouais, comme on sait. du chemin sans les pailles. J'suis sur le terrain sans les parts. J'me bats les deux mains dans l'épave. Soleil noir, soleil, soleil noir. Soleil de nuit, relève-toi des pas. Faut qu'ils s'en passent pour que le sommeil parte. Sors les armes, sors tout, sors du chemin sans les pailles. J'suis sur le terrain sans les parts. J'me bats les deux mains dans l'épave. Soleil noir, soleil, soleil noir. Soleil de nuit, relève-toi des pas. Faut qu'ils s'en passent pour que le sommeil parte. J'suis dehors, j'flaire la nuit, les échos dans les feuillets. J'vais là où tu vas pas, sans la pluie t'effleurer. La nuit, les gens, la ville est en livre. J'ai pris la route pour écrire les grands vides. J'flaire les songes, les reflets qui parlent peu. J'avais déjà tout écrit avant qu'on ne parle d'eux. Les yeux plongés dans les rêves. Le décor sont des feux qui feront pencher les têtes. J'rêve d'ici jusqu'à l'éclair, j'suis refait, j'ai pris les armes laisse. Leur crash, leur sale guerre, j'mise sur rien jusqu'à l'orage sale. Période pour les plus faibles crash. La nuit pour les écarts fils. Le ciel même en pleine tête 10. Pareil dans le brouillard. J'ai pas besoin de cuvali, pas besoin de déposeur. J'suis dans l'étrange, la famille et les codes de l'honneur. La vie, la pluie, j'déterre le blizzard. On saluera le bonheur, gros je le vis, je n'écris pas. Sors les armes, sors tout, sors du chemin sans les pailles. J'suis sur le terrain sans les parts, j'me bats les deux mains dans les paves. Soleil noir, soleil, soleil noir, soleil tenu, relève-toi des pas, faut qu'elles s'en passent pour que le sommeil. Sors les armes, sors tout, sors du chemin sans les pailles. J'suis sur le terrain sans les parts, j'me bats les deux mains dans les paves. Soleil noir, soleil, soleil noir, soleil tenu, relève-toi des pas, faut qu'elles s'en passent pour que le sommeil part. Soulever le temps, ouais. Échapper, tu le ressentais. y'avait ces gens qui te vantaient le rêve qu'on touche un peu vite, l'étrange paresse qui demandait que tu en oublies de vivre. Y'avait les proches qui t'entouraient, les soirées ivres évidemment, les matins mornes que tu voulais. Maintenant tu portes la nuit seule, j'ai recouvert tes pas. Pendant que tu portes la nuit seule, ta vie défilait sans toi. Et puis tu portes la nuit seule, et j'ai recouvert tes bras. Pendant que tu portes la nuit seule, la vie t'échappe des doigts. Pendant que tu portes la nuit seule, et j'ai recouvert tes pas. Pendant que tu portes la nuit seule, la vie défilait sans toi. Et puis tu portes la nuit seule, et j'ai recouvert tes bras. Pendant que tu portes la nuit seule, la vie t'échappe des doigts. Ouais, tu portes la nuit seule. Ouais, seule. Ouais, seule. Ouais, seule. Ouais, tu portes la nuit. Thank you. J'écoute le temps dessiner les secondes. Depuis la terre, on a pris tout ce qu'on peut. On est refait en défaisant le monde. J'appuie l'écart, on a fui tout ce qu'on peut. Les années filent, j'ai perdu quelques têtes. Leurs ombres ont dessiné de petits airs. On les a vus partir et disparaître. Ouais. Bien mieux tout seul au milieu de la terre. On écrit le monde pour s'éloigner d'eux. On écrit le monde pour s'éloigner d'eux. On écrit le monde pour s'éloigner d'eux. On écrit le monde pour s'éloigner d'eux. Apaiser les rengaines, effleurer le monde, enterrer les cœurs à vif. On a pesé comme on a pu, ouais, sans thème. Des centaines de paysages ont fait la diff. J'ai balayé le gris, épousé le réel. Senti le ciel en éprouver le tir. Dans le tas j'ai raccordé le cœur et les ailes. Ouais. Je laisse, je vois venir. Je laisse, je vois venir. Je laisse, je vois venir. Je laisse, je vois venir. Je laisse, je vois venir. On écrit le monde pour s'éloigner d'eux. On écrit le monde pour s'éloigner d'eux. On écrit le monde pour s'éloigner d'eux. On écrit le monde pour s'éloigner d'eux. On écrit le monde pour s'éloigner d'eux. On écrit le monde pour s'éloigner d'eux. On écrit le monde pour s'éloigner d'eux. On écrit le monde pour s'éloigner d'eux. Thank you. sur le balcon. Trace des mirages sur la pierre. Chante ses reflets comme tu savais chanter leur nom. J'ai perdu mon âge et mes mains sont plongées dans le ciel. J'ai perdu la trace de tout ce qu'on inventait quand on écrivait dans le ciel. J'ai posé mes yeux sur ta peau. J'ai senti le vide se refermer. Des chemins laissés sur le carreau. J'ai posé mon cœur un été. Des reflets d'argent sur le toit. Le bleu des rêves au pied du jour. Il y avait le silence puis il y avait toi. De grands yeux noirs sur mon parcours. Invisible au cœur des villes, tu disparaissais tout comme moi. Nos âmes se parlaient sur un fil, puis s'endormaient tard sous les toits. Le crépuscule loin de nos tours, on a fait le monde qui n'était pas. Mis de la couleur tout autour, car noir et blanc ne suffisent pas. La route au milieu des lueurs qui renaissait là sous nos pieds. On éloignait les démons seuls, puis tous les deux pour tout laisser. La vie nous rappelait toutes les heures, combien nous étions silencieux. Combien ce qu'il fallait pour deux battait de très loin toutes nos peurs. T'as posé tes mains sur mes yeux pour écouter chanter la pluie, les lumières au milieu des cieux, puis 9 mois pour donner la vie. Des reflets d'argent sur le doigt, le bleu des rêves au pied du jour, et avec le silence puis avec toi. De grands yeux noirs sur mon parcours. Pas. puis de la couleur tout autour. Car noir et blanc ne suffisent pas. Sur le perron, je suis dans la vie réelle, nourrie par les saisons. On voit les belles paroles passer, leur monde froid des thèmes à boire au tesson. Pour faire les bons choix, je suis dans le bon chemin, celui que j'ai choisi. Les ombres et leur victoire, gros, je refais les comptes et y'a plus qu'à. Fais pas semblant de capter quand ça bascule. Je suis justement quelqu'un parce que personne nous calcule. Je suis le désordre et la paix, je suis l'étrange et la brèche. Je suis le bruit et la fureur qui s'en manque et à l'appel. On te rendra rien, ni à toi ni personne. On lèvera pas la patte, on forcera pas la porte. On a regard froid sur le perron. Je suis dans la vie réelle, nourri par les saisons. On voit les belles paroles passer, leur monde froid des thèmes à boire au tesson. Pour faire les bons choix, on a regard froid sur le perron. Je suis dans la vie réelle, nourri par les saisons. On voit les belles paroles passer, leur monde froid des thèmes à boire au tesson. Pour faire les bons choix, on a. Parenthèse, la foudre est dans les troupes qui partent en flèche. Le monde qui prie en silence, le monde qui meurt en paix. Je me rappelle d'avant les écrans, d'avant que le monde t'avale. Quand tu marchais des heures ouais, seul avec un fond de tabac. On apparaît nulle part, je raconterai pas ma vie pour me faire une place. Embellir un visage que toutes les minutes froissent. La pilule passe sans eux, j'ai pas le temps d'aller gratter le feed qui va bien. Je m'équipe et qu'on les laisse entre eux. C'est pas grave si t'as pas le bon timing. Pas grave si tu marches seul, t'écriras ça toute la nuit. Ouais, t'écriras ça toute la nuit. Toute la nuit, toute la nuit. C'est pas grave si t'as pas le bon timing. Pas grave si tu marches seul, pas grave si tu marches seul. C'est pas grave si tu marches seul. Regard froid sur le perron. Je suis dans la vie réelle, nourri par les saisons. On voit les belles paroles passer, leur monde froid des thèmes à boire au tesson. Pour faire les bons choix, on a regard froid sur le perron. Je suis dans la vie réelle, nourri par les saisons. On voit les belles paroles passer, leur monde froid des thèmes à boire au tesson. Pour faire les bons choix, on a. Thank you. soulevé quelques pierres, en étiré des mots, éboulé quelques verres, pissé gants et grillé l'écho. L'invisible est partout, tu l'as sous la semelle, le vide autour de toi si tu t'aimas par la fenêtre. J'ai les anges à mes pieds quand la plume a sonné l'heure. Tout rêveur comme ça qu'on encaisse, clic haut les cœurs. Animé serrature, on vit parce qu'on écrit. La vie nous a pris beaucoup d'âmes, on tient parce qu'on les prie. Ton prêt d'argent, j'irai dépasser la ligne. On chante nos chants d'avant pour apprivoiser l'abîme. On pleure avec la pluie, on renaît dans la tempête. Loin des rageux qui fuient, disparaissent et s'enterrent. On trace la route devant, et ça fait quelques années qu'on écrit des visages sur des paysages de papier. Comme depuis tes 20 ans, on fera d'hier demain parce que tout est maintenant. On renaît dans la tempête, car tout n'est que de passage. On mourra dans la tempête, car on n'est que de passage. On renaît dans la tempête, car tout n'est que de passage. On mourra dans la tempête, car on n'est que de passage. Plus fort de quelques crochets, tu sens le vent tourner, plier, mais de quel côté? T'as des étoiles en tête, t'as le visage devant, percé par trop de nuages, de trop d'envie d'avant. Le souffle court, tu sens plier ta victoire quand les ombres te prennent et te font vaciller l'histoire. On n'a pas les mêmes cartes en main, mais tes rêves communs, dont certains que tes cartes en vain. Et je prends le ciel sous le bras et sous ma paire de baskets. Un coup de pas, n'écoute pas ceux qui t'enferment la tête. L'invisible est partout, tu l'as sous la semelle. Le vide autour de toi si tu t'aimas par la fenêtre. On renaît dans la tempête, car tout n'est que de passage. On mourra dans la tempête, car on n'est que de passage. On renaît dans la tempête, car tout n'est que de passage. On mourra dans la tempête, car on n'est que de passage. On renaît dans la tempête, car tout n'est que de passage. On mourra dans la tempête, car on n'est que de passage. On renaît dans la tempête, car tout n'est que de passage. On mourra dans la tempête, ouais. Gravé sous le coude, pavé sur le terrain. Refais tout le tour jusqu'au point de départ. Ouais, c'est gravé sous le coude, pavé sur le terrain. Y'a pas de jeu, on le fait pour de vrai. Y'a pas de jeu, on le fait pour de vrai. Écris le bruit, fais le pour de vrai. Y'a pas de jeu, on le fait pour de vrai. Écris le bruit, fais le pour de vrai. Gravé sous le coude, pavé sur le terrain. Gravé sous le coude, pavé sur le terrain. Refais tout le tour jusqu'au point de départ. Ouais, c'est gravé sous le coude, pavé sur le terrain. Y'a pas de jeu, on le fait pour de vrai. Y'a pas de jeu, on le fait pour de vrai. J'suis dans le feu, j'écris le bord du ciel.